Chapitre 5e. Tandis que le train où il avait pris place roulait vers Enghien, Jérôme Korff, confortablement installé dans un compartiment de première classe, il aimait ses aises, récapitula la situation. Le train avait quitté la gare du Nord à 12h35, à un moment où les voyageurs sont rares, et notre inspecteur était seul dans son compartiment. Il alluma un cigare noir et tordu, de ces cigares que le peuple a surnommés « crapules ». En tira quelques bouffées d'une fumée âcre et nauséabonde, et eut un soupir satisfait. Il était doublement content, content de lui et content du résultat de son enquête. Tout d'abord, tout semble confirmer que cet autodrôle William Grant était un ami d'Argoulian. Bon, or je suis en possession de trois faits simultanés. Premièrement, disparition d'autodrôle. Deuxièmement, autodrôle a été vu chez Argoulian. Troisièmement, Argoulian a expédié un piano dans sa villa ou ailleurs. Admettons que Argoulian, pour une raison que nous éluciderons, ait voulu se débarrasser d'Autodrôle. Autodrôle vient la nuit, il est tué, il est enfermé dans la caisse d'un piano et tout s'explique. Jérôme Korff se frotta les mains. Dans l'ardeur de ses réflexions, il avait laissé s'éteindre son cigare. Il le ralluma et souffla joyeusement plusieurs jets de fumée vers le plafond. Il reprit son raisonnement. Il le retourna sur toutes ses faces et le trouva parfait. Sur ces entrefaites, le train atteignit la gare d'Enghien. Korff descendit, il avait très faim, mais sa hâte était telle d'en finir qu'il ne voulut pas perdre son temps à déjeuner. Il tourna la tête pour ne pas voir un restaurant, avec ses tables garnies de nappes et de couverts, et s'étant fait indiquer l'emplacement de la villa de M. Argoulian, s'il dirigea à pas rapide. En moins de 5 minutes, il atteignit. C'était une grande construction de style Louis XIII, en briques à chaînes de pierre blanche, édifiée au centre d'un jardin anglais sur le bord du lac. Une haute muraille entourait la propriété et laissait voir une ligne de platanes aux feuilles déjà jaunies. « Monsieur Argoulian est à Paris », expliqua un valet de chambre en réponse à la question du policier. « Si vous voulez le voir, je sais. » Mais c'est mademoiselle Sonia Argoulian que je viens voir. Veuillez lui dire que c'est la part de monsieur Vacariès, pour une affaire excessivement urgente. Excessivement. Si vous voulez me suivre, monsieur, fit le domestique impressionné. Korff franchit la haute grille de fer forgé et traversa un élégant jardin, aux allées recouvertes de gravier et flanquées de plates-bandes, soigneusement ratissées, rasées, fignolées. Il arriva devant le perron de la villa qu'il gravit et, finalement, fut laissé seul dans une petite pièce simplement meublée qui tenait à la fois du salon et de l'antichambre. S'étant assis sur un canapé de velours, il attendit. Autour de lui, c'était le silence. Quelques minutes s'écoulèrent. La porte s'ouvrit sans bruit. Une grande jeune fille brune, aux cheveux légèrement bouclés, aux sourcils épais, apparut. Elle était vêtue d'une robe d'intérieur en soie rouge, cerise, largement échancrée, et qui laissait voir un magnifique collier de perles, un collier de reine ou de marchande. Le visage était plutôt sympathique, malgré le pli légèrement amer des lèvres minces. Les yeux noirs et brillants avaient un regard aigu. « Je suis mademoiselle Argoulian, » fit la jeune fille en enveloppant son visiteur d'un coup d'œil pénétrant. « Vous avez désiré me voir, monsieur ?» Korff ne se démonta pas, il en avait vu d'autres. « En effet, mademoiselle, je désirerais que vous me montriez le piano que l'on vient de vous envoyer, un piano qui provient de votre appartement de la rue de Provence. » La jeune fille fronça légèrement ses épais sourcils. « Vous êtes accordeur, monsieur ? » questionna-t-elle avec le plus grand sérieux. « Non, mademoiselle, je suis simplement agent de la sûreté, et j'ai des raisons pour vouloir examiner ce piano. » Ce fut dit tout d'une traite. Korff, qui, tout en parlant, n'avait cessé de fixer Sonia Argoulian, ne put discerner la moindre trace de trouble sur son visage. « Venez, monsieur, » dit-elle avec simplicité. « Si je ne me trompe pas, elle est rudement forte, » pensa le policier, qui, derrière la jeune fille, sortit de l'antichambre et passa dans un vaste salon, dont les trois portes-fenêtres cintrées donnaient sur le jardin. C'était une pièce richement meublée, mais sans goût. Trop de glace, trop de dorure, un lustre énorme et rutilant. Aux murailles, des tableaux de prix, mais enchâssées dans des cadres aux moulures tourmentées et éblouissantes, des meubles en bois doré, massifs, tendus de soie brillante, et dans un angle un piano à queue, devant lequel un jeune homme d'une vingtaine d'années feuilletait des partitions et des morceaux de musique. L'individu était vêtu d'un costume de serge grise, prétentieusement serré à la taille. Son visage imberbe ou rasé, au nez énorme, aux lèvres épaisses, au teint mat, avait quelque chose de brutal et de faux. Un monocle cerclé d'écailles était enchâssé dans son œil droit. À l'arrivée du détective, il n'avait pas bougé. « Ne vous dérangez pas, monsieur Piebald, » fit Sonia Argulian avec la plus parfaite tranquillité. « Ce monsieur est de la police et vient voir mon piano. » Oh, je l'ai vu. Un beau piano, en vérité, fit Korff froidement. Voulez-vous simplement me faire une gamme? Une gamme complète, mademoiselle. Monsieur va s'en charger. Sans un mot dire, monsieur Piebald s'approcha du clavier et, avec une virtuosité digne d'un concertiste, exécuta une brillante gamme chromatique sans passer une seule note. Si vous voulez maintenant que monsieur Piebald vous joue Tipperary ou une sonate de Beethoven, monsieur, vous n'avez qu'à parler. Persifla Sonia Argulian. Vous êtes trop aimable, mademoiselle, mais ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, je désirerais que vous me montriez la caisse dans laquelle a été transporté le piano. Je crois que le piano a été transporté dans une housse de toile, intervint monsieur Piebald en lançant un regard impératif à la jeune fille. Oui, dans une housse, répéta aussitôt la jeune fille. Non, c'est dans une caisse, articula nettement monsieur Korff. L'on ne transporte pas un piano à queue dans une housse, il y a impossibilité. Veuillez me faire voir cette caisse, et ne vous trompez pas davantage si vous ne voulez pas augmenter mes soupçons. Des soupçons, s'écria Sonia. Au fait, monsieur, vous seriez bien bon de me faire connaître l'objet de votre mission ici. Je ne sais pourquoi j'ai été assez bonne pour vous écouter. Que voulez-vous? Quel est votre but? Je n'ai qu'un but, mademoiselle. « À la recherche de la vérité sur une certaine affaire. Libre à vous de ne pas me répondre. Je ferai mon rapport et la justice appréciera. Voici ma carte d'inspecteur de la sûreté. Je vous demande de me laisser voir la caisse qui a servi au transport de ce piano. Si vous refusez, je me retirerai, c'est tout. » Et Jérôme Korff tendit sa carte d'identité à la jeune fille, qui sans la prendre et jeta un coup d'œil rapide. De nouveau, Sonia Argulian regarda M. Piebald, comme si elle attendait de lui un appui ou un conseil. « Monsieur est bien de la police, » fit le jeune homme. « Mais il me semble, Sonia, qu'il n'est pas de votre dignité d'acquiescer ainsi à ses exigences. Vous ferez ce que vous voudrez. À votre place, j'attendrai le retour de M. Argulian. » La jeune fille fronça légèrement ses épais sourcils. « Enfin, monsieur, » dit-elle à l'adresse de Korff. Je ne demande pas mieux que d'aider la justice, comme c'est le devoir de tout le monde. Mais vous voudrez bien au moins me faire connaître la cause exacte de votre visite, et je désire voir la caisse ayant servi à emballer ce piano, mademoiselle. Je le désire d'autant plus que ce n'est pas ce piano qui a été envoyé de Paris, du moins récemment. Regardez, les pieds sont garnis de cuivre. Ce cuivre est vert de grisé, et il y a une petite coulée de vert de gris sur le tapis, ce qui prouve que le piano est à cette place depuis plusieurs mois au moins. « Cela ne prouve rien du tout, » contesta M. Piebald avec une certaine vivacité dans la voix. « C'est ce que les experts décideront, à moins que vous n'ayez, avant leur venue, enlevé ce verre de gris. « Que dois-je faire, mademoiselle? Me retirer? Je vous avertis que la villa est surveillée et qu'il n'en sortira rien. « Oh, monsieur, assez! Pour qui vous prenez-vous? » s'éclata Sonia Argulian énervée. « Venez avec moi. Le piano est dans la cave, pas encore déballé. Je vous ai montré celui-là pour en avoir fini plus vite. « Venez-vous. « Sonia, » s'écria M. Piebald, qui était devenu légèrement pâle. « Quoi? Vous n'allez pas me donner des ordres, monsieur? C'est déjà bien assez que je sois obligée à... « Venez, monsieur, » s'interrompit-elle en se tournant vers Korff. Celui-ci s'inclina. Derrière la jeune fille, il sortit du salon et gagna l'antichambre. M. Piebald suivit. Tous trois arrivèrent devant une porte que Sonia ouvrit. Elle donnait sur un escalier de pierre. La jeune fille tourna un commutateur. « Suivez-moi, messieurs, » dit-elle en s'engageant dans l'escalier dont elle commença à descendre les marches. « Vous, passez devant, » ordonna Korff en se tournant vers Piebald, qui avait mis la main à sa poche. Le jeune homme eut une légère hésitation qui n'échappa pas au policier. Mais il obéit. Derrière la jeune fille, Korf et Piébald, arrivés dans la cave, traversèrent un étroit couloir voûté et pénétrèrent dans un cellier encombré d'objets hétéroclites. Vieilles caisses, futailles défoncées, meubles hors d'usage, outils de jardinage. Et contre la muraille faisant face à la porte, une caisse neuve qui, à sa forme, devait renfermer un piano. Mais un piano droit. « Voilà le piano en question, monsieur, » fit la jeune fille en désignant la caisse. « C'est un piano d'études que j'avais rue de Provence. Il nous embarrassait. Nous l'avons fait transporter ici. » « Dans une caisse neuve, » observa le détective. « Une caisse solide, alors qu'une housse suffit. » « C'est une question d'appréciation, » remarqua monsieur Piébald. « Je vous serai très reconnaissant, mademoiselle, de bien vouloir vous faire ouvrir cette caisse. Je ne suis pas sûre qu'elle contienne un piano, » demanda Korf. « Que voulez-vous dire, monsieur ?» questionna une fois de plus la jeune fille. « Mais rien, mademoiselle. Je tiens à m'assurer si certaines suppositions que j'ai faites sont exactes. » Si vous m'en croyez, Sonia, nous demanderons à ce monsieur, intervient Piébald, de revenir avec un ordre de perquisition. Il n'y a pas de raison pour que vous obéissiez à ses caprices, plus ou moins sensés. Et il n'y a pas de raison non plus pour que vous interveniez, monsieur, protesta le policier. Je suis le fiancé de mademoiselle Arculian, monsieur, et comme tel, je vous en félicite. Mais vous prie, n'est-ce pas, de vous mêler de ce qui vous regarde. Si vous le permettez, mademoiselle, je vais examiner cette caisse. « C'est très important. »« Je vous répète, Sonia, que votre père, » voulut dire M. Piébald en lançant un regard ardent à la jeune fille. Des pas firent crisser le sable recouvrant le sol du cellier. Une femme de chambre apparut. « Monsieur William Grant est ici, mademoiselle, » dit-elle. « Il désirerait présenter ses hommages à mademoiselle. »